Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 30 mai et c'est la fête des mamans. Et pour cette fabuleuse occasion, en fait, je voulais inviter une de mes copines, de mes amies, Angela Mattei, qui est créatrice de robes de mariée. Et bonjour Angela, déjà. Bonjour Opi, Tu vas bonjour. bien? Ça va? Ça va, Ok. tranquille. En fait, je t'ai invité parce que je voulais que tu nous parles un tout petit peu de ce que tu fais, de ton métier. Et essayer de nous donner en fait des petites informations qui pourraient aider en fait les futurs mariés à un peu mieux se diriger dans ce monde un peu inconnu hein, du mariage, parce que on ne se marie pas tous les jours. Donc, alors toi en fait, tu es créatrice, d'accord? Oui. Ok. Et je voudrais en fait que tu m'expliques un tout petit peu la différence entre toi, créatrice, et un distributeur tel que, je sais pas, Complicité ou je sais pas quoi. C'est quoi exactement la différence entre toi et eux? Bon, la différence entre un distributeur et une créatrice, entre moi et un distributeur, c'est que les modèles, des grosses marques de distribution, sont créés à partir d'un mannequin standard. Et donc, ce sont des modèles adaptés à un physique standard. D'accord. On ne prend pas en compte vraiment la personnalité de chacun. Et le nombre de modèles est limité. Et l'avantage avec quand on va voir un créateur, c'est que non seulement on va pouvoir avoir un modèle adapté vraiment à sa morphologie, mais aussi à sa personnalité. Ouais, mais en même temps aussi, genre chez un distributeur, quand même, ils ont possibilité de faire des retouches. Donc on revient presque à la même chose. Et faire des retouches, en fait, si on fait des retouches sur un modèle qui va pas du tout, si par exemple une femme qui serait petite et qui a un modèle qui correspond vraiment à des filles grandes, on aura beau faire toutes les retouches du monde, si elle a pris un modèle qui va encore plus la tasser, les retouches changeront rien. Et les retouches servent juste à adapter. Enfin, vraiment passer d'un 40 à un 39,5 ou un 39 à 38, c'est tout. D'accord. C'est ça une retouche. Ok. Et en fait, alors, à quel moment, par exemple, j'ai la mariée, plutôt le futur marié, la demande en mariage, tout ça, à quel moment, en fait, elle a dit oui, et à quel moment ils vont, la mariée vient te voir, en fait? Quand est-ce qu'elle vient de voir? C'est une fois qu'elle a commencé déjà à bien avancer sur son projet ou à quel moment elle se présente à toi en fait? Alors, très honnêtement, le plus souvent, au moment où le futur marié a fait sa demande et que la mariée a dit oui, la future mariée a dit oui, honnêtement, la première chose à laquelle elle pense, c'est à la robe. D'accord. Non, mais c'est normal, je veux dire, c'est qu'elle pense à ça, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que. Et donc, elle va pas forcément appeler le créateur dès le lendemain, mais elle va commencer à aller sur Internet, dans les magazines, à commencer à feuilleter. D'accord. Et à chercher un peu, voir les robes, si elle ne l'a pas déjà fait, parce que souvent, les demandes en mariage, c'est plus comme avant, hein, elles sont dans l'air déjà, avant qu'on fasse l'officiel. D'accord. Ok. Alors, donc, tu as dit un truc en fait super intéressant, c'est qu'elles vont commencer par faire un tout petit peu de repérage, tout ça. Donc, aujourd'hui, en fait, quelles sont, pour toi, d'après toi, les meilleures sources en fait d'inspiration? Quand je dis ça, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller repérer des robes, des machins, des modèles, des choses comme ça? Bon, il y a pas mal de magazines spécialisés qui sont bien Ouais. faits. D'accord. Et honnêtement, maintenant, on peut avoir été marqué par un film, par le cinéma, par n'importe quoi, en fait. D'accord, Et d'accord. voilà, donc on trouve sa source un peu partout. Et pas simplement que dans les dans un magazine ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et en fait, Chercher une atmosphère aussi. d'accord. Plus qu'une robe, on peut avoir envie de porter quelque chose qui va créer une atmosphère. Oui, par rapport à un thème, par exemple, je veux dire le thème du mariage en question, en fait. Oui, quelqu'un peut venir et me dire, en fait, moi, ce jour-là, je veux être une fée. Ok. Et toi, tu vas aller créer la robe en fonction en fonction de cette idée-là, quoi. En fonction de cette idée-là, en fonction de sa physionomie, en fonction, oui, en fonction un peu de tout, en fonction de sa personnalité, même au-delà du fait qu'elle veuille cette atmosphère féerique. D'accord. Et en fait, quand elles viennent te voir comme ça, quelles sont en fait les erreurs qu'elles font le plus souvent ou les idées reçues qu'elles ont en arrivant? Les erreurs qu'elles font le plus souvent, peut-être, c'est d'avoir un modèle de robe très arrêté et après de réaliser que ce n'est pas ce qui va les mettre le plus en valeur, peut-être. D'accord. Là, donc, c'est assez délicat comme situation parce qu'il faut leur annoncer ça. C'est pas si en fait c'est pas une question d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est juste une question de proposer mieux, de provoquer un coup de cœur. D'accord. Ok. Donc, et comment tu t'y prends alors? Comment est-ce que toi tu t'y prends en tant que créatrice? Parce que c'est vrai que quand on arrive chez un distributeur, c'est vrai que moi j'ai déjà eu des histoires comme ça qu'on m'a racontées. Derrière moi, une future mariée qui m'a dit qu'elle est arrivée et qu'on lui a dit, elle passait plus, on lui a dit, Madame, vous avez qu'à maigrir, quoi. Et Wow. donc, ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que. Toi, en fait, comment est-ce que toi tu vas gérer pour arriver à lui proposer mieux et à la contenter encore plus que ce que la robe dont elle l'avait visée, en fait, l'aurait, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais l'aurait satisfaite, quoi. Alors, enfin, ça n'arrive, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de maigrir, hein, que ce soit clair. Et c'est pas, enfin, en fait, c'est pas la personne qui doit s'adapter à la robe, c'est la robe qui doit s'adapter à la future mariée. D'accord. Donc, c'est vrai que, alors, on peut être, avoir un physique pulpeux et rêver d'une robe qui est tout à fait. Qui est parfaite pour quelqu'un qui serait filiforme. OK. Mais en fait, avec c'est pas un souci si on si il suffit peut-être que à ce moment-là il suffit juste de faire réaliser, mais c'est jamais un problème que de proposer vraiment la robe qui conviendrait idéalement et afin que la future mariée soit sublime. Le but c'est pas que les invités disent waouh, ouais, elle a une super robe. En fait, le but, c'est que les invités disent waouh, ouais, la mariée est magnifique. D'accord. D'accord. Ouais, bah oui, c'est vrai que il vaut mieux le prendre en ce sens-là, quoi. Et alors, comment est-ce que ça se le processus en fait, comment est-ce que ça se goupille tout ça dans les étapes de la création d'une robe pour toi? Déjà, on prend connaissance avec la future mariée. Combien de temps, par exemple, avant le mariage, combien de temps avant le mariage? C'est bien de venir à peu près un an avant. Genre, si je me marie dans 6 mois, je peux pas. Si, mais c'est mieux de 6 mois, ça commence à être, on commence à être juste. D'accord. Et donc, on arrive un an avant. Un an avant, c'est parfait, en fait. D'accord. Donc, on a le temps de discuter, de trouver le modèle qui correspondra le mieux, le modèle qui sera capable de sublimer la future mariée, de la révéler en fait. Et on a le temps de faire tous les essayages qui sont nécessaires pour que ce soit parfait. D'accord. Si on est limité dans le temps, ben, ça veut dire aussi moins d'essayages. Là, tout de suite. Et généralement, en fait, parce que je sais que c'est les distributeurs, je crois que c'est quoi? C'est 2-3 essayages, je crois, je dis pas de bêtises. Comment ça se passe en fait quand on va voir une créatrice? Est-ce qu'on a le droit aussi à nos 2-3 essais ou on n'en a qu'un seul? Comment ça se passe en fait? Il y a beau, enfin, en règle générale, il y a beaucoup plus d'essayages. Ouais. Ouais. Genre combien? Ben, c'est très variable, mais là tu me parlais de 2-3. 2-3, c'est presque en dessous du minimum, quoi. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il faut genre, genre 10 essais, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens ils aient le temps. À Parce 10 que, essais, attends. c'est peut-être un maximum aussi, mais. Non, mais c'est vrai que non, mais il y a un truc que je n'ai pas précisé, et je m'en excuse d'avance, mais c'est vrai que toi, tu es en Corse, en fait. Tu es à Corté. C'est ouais. Corté en Corse. C'est-à-dire que ça peut demander quand même une organisation pour venir et plusieurs fois et ceci, cela, quoi. Et donc toi, tu dis, globalement pour toi, combien d'essayages en fait en moyenne tu fais avec tes futurs mariés? En moyenne, il va y en avoir en moyenne. Je sais pas, peut-être 6, 5, 6. Ok. D'accord. Ça peut aller au-delà. Ce qu'il y a, c'est que souvent, enfin, moi, je leur déconseille à chaque fois. Mais quand elles sont souvent. Il y en a beaucoup qui font des régimes à cette période-là. D'accord. Ce qui est un peu embêtant après. Mais, ou bien. Même si elles font pas forcément un régime, mais le stress d'un gros mariage, par exemple, peut faire perdre du poids ou en faire prendre. Oui, voilà. C'est pas ça non plus, hein. Ah. Mais, sur un vêtement sur mesure, on fait pas une retouche banale comme qu'on peut faire. Il faut que la robe aille au mieux, donc ben oui, ça va nécessiter, ça va rajouter des essayages. D'accord. D'accord. Et le dernier essai se fait. Donc, le premier essai, du moins, premier contact, c'est à peu près un an avant. Ensuite, je pense que quelques semaines après, vous faites le premier essayage. Ouais. Donc, après, les essayages s'échelonnent sur quoi comme période à peu près? Bon, ça dépend beaucoup de la robe, mais il peut y en avoir. Ils peuvent être espacés de 2 mois, comme ils peuvent être espacés de 1 mois. D'accord. Et Ok. vers la fin, ça peut s'accélérer. Ok. Et en fait, les derniers essayages, en fait, ils se font à peu près. Combien de temps avant le mariage? Les derniers essayages, c'est à peu près 3 semaines avant. D'accord, ouais. Comme ça, moi, on est sûr qu'elle ne prendra pas 20 kilos en 3 semaines, quoi. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et si, par exemple, elle t'appelle 2 jours avant et te dit, écoute, là, en fait, je passe plus dans ma robe, au secours. Ce n'est jamais arrivé, mais on trouvera une solution. D'accord. Je rentre plus dans ma robe, ouais, non. D'accord. Mais tout ça, il faut le dire Il m'est déjà arrivé d'aller corseter le jour du mariage, d'aller directement sur les lieux, aller corseter parce que les personnes qui devaient le faire étaient en panique ou la mariée était en panique. Il n'y a pas de souci. Quelquefois, on me le demande déjà à l'avance pour que la mariée n'ait pas un stress en plus pour le lassage. Ouais. En général, il n'y a pas de souci. Ouais, toi, t'y vas, quoi. Mais bien sûr. Ok. Non, c'est cool ça. Et tout ça a forcément un prix. Oui. Je sais que bah, c'est tellement variable que tu peux pas forcément donner des tarifs, quoi. Mais par rapport à une robe en fait de distributeur, hein, il faut compter combien pour avoir une robe de créatrice? Une robe signée en fait, c'est ça. Hein, c'est presque ça, quoi. Et alors, c'est vrai que ça dépend beaucoup du modèle qu'on va demander, parce que c'est très variable en fonction du métrage qu'il va falloir en tissu et les heures qu'on va passer dessus. Ouais. Mais on peut avoir une robe de créatrice, une robe de mariée à partir de 900 euros. 900 Après, euros? il n'y a pas de limite. 900 euros, c'est ça? 900 euros, on a une robe Oui, mais en même temps, je veux dire, si tu vas chez. Bon, je vais pas dire. Je vais pas forcément donner de marque, mais chez certains distributeurs, il y en a au-delà de 900 euros des robes. Il y en a au-delà de 900 euros? Oui, il y a des robes chez les créateurs aussi, je l'ai dit, c'est un prix de départ. D'accord. Et maintenant, il faut comparer les robes à prix équivalent, il faut comparer les robes qu'on a. D'accord, ok. Ce qu'il y a chez les créateurs, souvent, on va avoir de belles matières. Et c'est vrai que dit comme ça, on ne se rend pas compte de l'effet, par exemple, d'un taffetas de soie et d'un taffetas synthétique. La différence qu'il y a, ou d'un organza de soie ou d'un organza synthétique. Alors que la différence qu'il y a sur l'effet, elle est énorme. Pour vraiment se rendre compte, il faudrait mettre deux robes, les mêmes modèles et fait une faite par exemple en organza de soie et l'autre faite en organza synthétique. Et là, on se rend vraiment compte de la différence. D'accord. Et au niveau des prix, les différences de prix, elles sont là. Au niveau de la qualité des finitions, les créateurs, souvent, on propose un travail haute couture, en fait. D'accord. Et ça, on peut pas, enfin, ce ne sont pas les mêmes produits, en fait. C'est pas les mêmes robes. À prix équivalent, on ne va pas avoir la même robe. C'est sûr. Dis-moi juste une chose comme ça. Quels sont en fait quels sont les rapports que toi tu entretiens avec tes futurs mariés? Ben, je crois que... Comment est-ce que votre relation en fait se crée? Parce que c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que photographe, en fait, on passe énormément de temps à discuter ensemble. Et avant de shooter, on passe énormément de temps à discuter, on se passe des coups de fil, on s'envoie des mails, tout ça. Parce que voilà, comme ça fait que le jour du mariage, quand nous on arrive, on se sent en famille, on shoot, on est, voilà, quand, Magali et moi, on est à l'aise pour pouvoir shooter. Mais comment est-ce que vous, en fait, toi en tant que créatrice et elle en tant que future mariée, comment est-ce que vous arrivez à créer une relation, en fait, ensemble, quoi, tout simplement? Bah, c'est peut-être un petit peu pareil. Enfin, une fois que quand une future mariée entre dans mon atelier, elle est forcément déjà réceptive au style de mes robes. Elle s'est forcément déjà retrouvée à partir du moment où elle est déjà arrivée, on a pris rendez-vous. C'est forcément que ça lui a plu et dans mes robes il y a ma personnalité déjà D'accord. et forcément qu'on va arriver à se connecter. C'est jamais arrivé qu'on ne se connecte pas et la relation se fait par elle-même en fait et la confiance arrive aussi par elle-même donc et c'est ce qui fait que ce qui en découle, la robe aussi, eh bien, elle va venir naturellement. Ouais, donc du coup, en fait, tu seras plus. C'est vrai qu'en fait, si je comprends bien, tu m'arrêtes, tu me trompes, mais la relation que tu vas entretenir avec elle va influencer en fait sur la robe, en fait, tout simplement, quoi, sur la création de la robe, quoi. Parce que tu seras plus à même à pouvoir t'adapter à sa personnalité, à ce qu'elle est réellement, et essayer de croiser en fait entre ce qu'elle elle rêve et ce que tu peux lui offrir tout simplement, quoi. Exactement. Toutes les informations que je vais pouvoir apprendre, enfin tout ce que je vais apprendre sur la future mariée, ça va me, ce sont des informations qui vont m'orienter vers la robe, vers le modèle, et qui vont faire que on va faire un modèle qui sera elle et qui va la révéler quoi en fait. Qui soit en parfaite cohérence avec elle. Est-ce que tu pourrais donner un conseil en fait à toutes les filles qui vont se marier cette année ou l'année prochaine et qui n'ont pas encore choisi leur robe? Est-ce que tu pourrais leur donner juste un ou deux conseils? Eh Si tu avais un bien, conseil à leur donner, bien sûr. le seul conseil que j'aurais à leur donner, c'est de prendre le temps de pas se précipiter. Et de vraiment de choisir au moment de choisir le créateur ou un distributeur, mais d'être bien en fait. On le sait quand on tombe sur par exemple le site internet ou sur une image publicitaire dans un magazine sur un créateur, plus ou moins on sait que c'est lui. J'ai pas mal de clientes à me dire moi j'ai vu un article sur vous une fois. Et quand j'ai lu cet article, j'ai dit, moi, ma robe de mariée, c'est elle qui la fera. Alors qu'il n'était pas encore question De de mariage. mariage, ouais, tout à fait, d'accord. Et si là, si les mariés en fait elles veulent voir un peu ton travail, où est-ce qu'elles doivent aller? Ben, sur le site, le plus facile, c'est sur le site, directement à l'atelier, mais bon, pour celles qui ne sont pas abonnées, c'est sur le site, Ouais. www.chiaraematteo.com. D'accord, et comment t'écris ça, s'il te plaît, parce que... CHJARAEMADTEU.com. D'accord, attends, je répète pour toi, pour les autres. CHJARAEMADTEU.com. D'accord. Ok. Tiens, juste pour finir, parce que je sais qu'il y a des photographes qui viennent sur le blog, et si tu avais un conseil à donner aux photographes, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors, aux photographes, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la robe est très importante pour la mariée. Donc, elle y met beaucoup de sien, du sien. Elle passe, il y a beaucoup d'essayage, donc il y a beaucoup de temps qu'elle donne pour cette robe. Et elle est souvent importante. Moi, je me souviens d'une cliente qui après le mariage, au cours d'une discussion, m'a dit qu'elle était remontée après le photographe parce que la seule excentricité qu'elle avait sur sa robe, c'était un lassage rose fuchsia sur une robe ivoire dans le dos. Et le photographe n'a pas pris une seule photo de son dos. Donc, il n'y avait aucune photo avec ce fameux lassage auquel elle tenait. C'est un petit détail, mais elle y tenait. Ouais. Et du coup, elle n'a pas de souvenir de la seule excentricité de la robe, qui était très sobre, très classe. Et c'est dommage. Les petits détails sur une robe, souvent, les mariés et le créateur, mais c'est ensemble, quoi. Ouais, ils ont passé du temps, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que quand ils apparaissent pas sur les photos, ça peut créer une petite frustration. Ouais. Donc, ouais, essayer de pas trop cramer la robe systématiquement. Ouais, d'accord. Et voilà, faire attention aux détails. D'accord. Franchement, merci pour ces conseils, parce que c'est vrai que nous, les photographes, apparemment, on peut zapper ça. Et c'est vraiment important d'avoir ce rappel-là, quoi, de se dire que c'est vrai que pour la mariée, un des éléments les plus importants, c'est la robe, et qu'il faut la mettre aussi beaucoup en avant. Merci beaucoup pour ce conseil-là, quoi. Donc voilà, notre petite discussion se termine. Je te remercie encore une fois d'avoir pris quelques minutes pour pouvoir discuter avec moi et pouvoir partager en fait avec les lecteurs du blog. Un plaisir. Et voilà. Merci beaucoup, Angela. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.